Chapitre 7. Il quitta l'église. Il rentra dans sa chambre. Germaine était inquiète. Ce n'est rien, Germaine. Pense à je avec sérénité. Je veux travailler dans ma chambre. Qui je? Ah, ces mots! Ce n'était pas Germaine avec son inquiétude, ce n'était pas le médecin avec ses drogues, ce n'était pas le prêtre et son allez en paix qui empêcherait ces mots de ronger son cerveau. Et paix est un mot avec deux os sans croix sur la mort de mon cerveau. Et paix est un mot qui ronge jusqu'aux os, les os de mon cerveau. Et ce qui arrivait était juste. Il se mit par terre où c'était désormais sa place quand ce qui arrivait juste. Et juste fut un mot. Et je fut un mot. Et Marie fut un mot qui se mettait un doigt sur la poitrine et saluait son cerveau. Mais il était content. Il avait dit à Germaine, « Tu joueras du Beethoven. » Elle jouait du Beethoven. Il avait livré son cerveau pour qu'elle pût jouer ce Beethoven. Alors il n'avait qu'à la rejoindre et lui dire, « Je vous salue, Germaine. Comme c'est grand, ce Beethoven. » Il alla. Et voilà, elle ne jouait pas du Beethoven. Elle causait avec un ami. Pourquoi, au lieu de jouer du Beethoven, causait-elle avec un ami? Quand elle était malade, on causait aussi avec des amis qui n'étaient pas tous des amis. Certains voulaient qu'on l'enferme. Il dit, « Tu as mal agi. Tu as appelé un médecin parce que tu veux qu'on m'enferme. » Elle soutint, « Non, je n'ai pas appelé de médecin. » Mais il savait bien. Elle avait appelé un médecin. Il fallait à tout prix éviter qu'on l'enferme. Il appela l'homme dans un coin. Il cligna vers Germaine. Quand elle était malade, elle ne pouvait pas avaler sa salive, et je ne voulais pas qu'on l'enferme. Moi, vous allez voir. Avec la gorge, il fit ce qu'il faut quand on veut avaler sa salive. Mais il y avait un mot. Il y avait Valère et ses pouces sur sa gorge. Il ne parvint pas à faire passer sa salive. Il ne voulait pas montrer au médecin qu'il craignait qu'on l'enferme. Il rit. « Docteur, je plaisante. Patientez, vous verrez comme je vais avaler ma salive. » Il refit ce qu'il faut. Il y eut un mot. Il ne put faire passer sa salive. Il dit « Cela ne fait rien, je vous laisse. Je m'en retourne dans ma chambre. » Il n'avait pas pu avaler sa salive. C'étaient les mots qui l'empêchaient d'avaler sa salive. C'étaient les mots parce qu'il voulait qu'on l'enferme. Il fallait à tout prix enfermer ces mots qui voulaient qu'on l'enferme. Comment enfermer les mots qui voulaient qu'on l'enferme? Il fut content quand il eut trouvé. Il était écrivain. C'est avec de l'encre qu'on enferme les mots qui voulaient qu'on l'enferme. Il se mit à écrire. Il écrivait. Il vit entrer Germaine, il dit. Tu vois, j'écris. Il vit entrer le soir, il dit. Tu vois, j'écris. Il vit entrer la nuit, il dit. Tu vois, j'écris. Il écrivait des mots et des mots avec des ailes. Des mots avec des pinces qui entraient dans sa tête et voulaient qu'on l'enferme.